N'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Ces beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flamme. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'écris pas, n'écris pas. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à bien qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. C'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, n'écris pas, n'écris pas. N'écris pas. Je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un bon prévivant. N'écris pas. N'écris pas, c'est doux mots que je n'ose plus dire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'écris pas.